Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, ma ba'd. Nous allons essayer de nous pencher sur un article écrit il y a 6 ans de cela par le noble cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve. Ainsi que sur sa traduction qui a été faite par le frère Abdullah Sello, et avec qui j'avais eu l'occasion également de m'entraider dans la relecture de cet article, qu'Allah Azza wa Jal le récompense et le préserve. Cet article-là est intitulé « Conseil et rappel pour tous ceux qui parlent au nom de la salafia ». Il a été écrit il y a 6 ans de cela, mais comme le dit l'adage arabe « Ma ashbaha al-laylata bil-bariha » combien cette nuit peut ressembler à celle d'hier, dans le sens où les constats établis et les discours réfutés dans cet article sont malheureusement toujours de mise. Et il est donc impératif de sans cesse se rappeler ce genre de sujet-là. Le cheikh, qu'Allah le préserve, a dit « Louange à Allah, que ses éloges et le salut soient sur le messager d'Allah, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. » Ceci est un conseil et un rappel pour tous ceux qui parlent au nom de la salafie, mais qui, lors des épreuves, lorsque les lances, les flèches des gens de la ruse, de la discorde et des troubles s'orientent vers elle, alors on ne les compte plus parmi ses alliés, ni parmi ceux qui la défendent, mais plutôt on découvre en eux des choses surprenantes et étranges. Naam. Effectivement, c'est lors des épreuves que se distingue le véridique de celui qui ne l'est pas. Et c'est lors de l'épreuve, comme le dit l'adage, que l'individu est honoré ou au contraire avili. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. Le cheikh, de continuer en disant, certes, est apparu chez ceux qui se revendiquent de la salafie et qui guettent la moindre occasion pour lui nuire, à elle ainsi qu'à ceux qui en font partie, des attitudes et des positions contraires à la salafie, à sa ligne de conduite et à ses fondements, à en donner des cheveux blancs. Parmi ces positions, la défense des gens coupables de grandes innovations, telles que la croyance qu'Allah se trouve avec et dans toutes ses créatures, la croyance en l'unité et l'égalité des religions, la croyance en la fraternité interreligieuse, la défense de ceux qui apportent foi aux légendes inventées de toutes pièces et qui commettent des actes de polythéisme. De même qu'ils attestent que ces gens font partie des gens de la sunna, alors que certains, même parmi leurs leaders, en arrivent à faire l'éloge des rawafid et des soufis, en les qualifiant de savants dignes de confiance, et ils font l'éloge également de la voie qu'ils empruntent. Par la suite, leurs adeptes ignorants leur apportent leur soutien en cela. En note de bas de page, en commentaire de la première phrase de ce passage, concernant donc ces positions-là, la défense des gens coupables de grandes innovations, le cheikh a dit, le salafi avisé ne se laissera pas duper par Ali al-Halabi, qui laisse paraître qu'il rend mécréant celui qui croit en l'unité des religions, Wahdat al-Adiyan, car il critique cette croyance d'une part et la défend, lui et ses collègues, d'autre part, de même qu'il recommande celui qui appelle à cette croyance et qu'il combatte ceux qui la critiquent, et qu'il qualifie cela d'extrémiste et de khawarij, et qu'il coalise contre eux. Que de contradictions ne réunissent-ils pas autour de sentiments aveugles? De même qu'en note de bas de page, en commentaire, du fait que ces gens-là en arrivent à faire l'éloge des rawafid, Naam, tu as précisé que le terme rawafid vise ceux qui sont communément appelés chiites. Or, l'appellation qui leur convient le mieux est bel et bien Rawafid, comme on a eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises. Le Cheikh de continuer d'énumérer ces quelques positions en disant également que parmi ces positions-là, il y a la guerre immorale et injuste livrée aux gens de la Sunna, ainsi que le discrédit qu'ils jettent sur eux, leur voix et leur fondement. Ici donc le Cheikh met en évidence ce genre de procédé-là auquel ces personnes dont il est en train de critiquer les agissements ont recours afin d'écarter d'eux les critiques qui leur sont adressées et qui les visent. Et ce, en menant une guerre immorale et injuste aux gens de la Sunna, et en cherchant à les discréditer et à discréditer la voie qu'ils suivent, la méthodologie à laquelle ils adhèrent, qu'ils mettent en pratique, ainsi que ses fondements. Et ils ont recours dans ce but-là, na'am, pour concrétiser cet objectif-là, à toutes sortes de procédés et à toutes sortes de ruses pour chercher donc à discréditer les gens en les traitant tantôt de menteurs, de gens qui ne sont pas fidèles et loyaux lorsqu'ils transmettent les paroles qu'ils critiquent, en les traitant d'extrémistes, na'am, de gens qui sont beaucoup trop durs, de gens qui cherchent à détruire l'islam ou la salafia de l'intérieur, des gens qui sont soi-disant des intrus, et ainsi de suite. Le Cheikh de continuer en disant, troisièmement, l'invention de règles contraires à celles des gens de la Sunna et à leur méthodologie pour combattre les gens de la Sunna et défendre les gens coupables de grandes innovations, telles que, donc il va énumérer ici, certaines règles qu'ils ont inventées, na'am, afin de contrer les adeptes de la Sunna dans les critiques que ces derniers adressent aux personnes déviantes. Parmi donc ces règles-là, le fait de dire « Nous corrigeons mais ne diffamons pas ». Donc ils visent par là à critiquer les adeptes de la Sunna en disant que quant à eux, lorsque ils critiquent, ils ne sont qu'en train de diffamer. Quant à eux, ils disent « Nous corrigeons mais ne diffamons pas ». D'autres parmi eux disent également « Nous corrigeons, mais ne détruisons pas ». Ils sous-entendent par là qu'en réalité les adeptes de la Sunna, lorsqu'ils mettent en garde, lorsqu'ils préviennent contre certaines idéologies déviantes, ils ne font que diffamer et détruire. Et je vous invite, nous aurons peut-être l'occasion de faire la lecture de cet article-là, à lire l'article intitulé « Les textes prophétiques judicieux sont des coups de tonnerre sur les règles du nouveau sectarisme pernicieux ». Et c'est justement un autre article qui a été écrit par le noble Cheikh Rabi', dans lequel il réplique à ce genre de règles-là. Il faut être attentif ici aux termes qui sont utilisés. Car celui qui n'est pas attentif, il peut penser que ce genre de règles sont des règles qui sont tout à fait correctes. Étant donné que ces gens mettent en avant des principes d'équité, des principes de justice, et condamnent en apparence la diffamation, ou le fait de détruire les initiatives d'autrui. Mais il faut savoir lire entre les lignes, et il faut savoir saisir et cibler les objectifs qui sont visés derrière les paroles qui sont prononcées, derrière les règles qui sont émises et instaurées. Naam. Parmi ces méthodes-là également et ces règles qu'ils ont instaurées, comme le dit ici le Cheikh dans le deuxième point, l'adoption d'une méthodologie plus large qui engloberait les gens de la Sunna selon leur terminologie et le reste de la communauté, mais qui se rétrécit à l'encontre des gens de la Sunna en réalité, de leur méthodologie et de leur fondement. Ces gens-là, ils disent « Nouridu manhajan wasi'an afiyah yasi' ahl sunna wa yasi' ghayrahum » Nous voulons une méthodologie large, ample, qui convienne à la fois aux adeptes de la Sunna et à autre que. les adeptes de la sunna selon leur propre vision à eux. Déjà, rien que dans ce terme-là, ils sont larges et inclus et introduisent dans les adeptes de la sunna des gens qui n'en font pas partie. Et en plus de cela, ils disent, et cette méthodologie devrait également convenir au reste de la communauté. Dans le sens où tout le monde devrait s'y retrouver. Et cette règle-là, en réalité, a pour but de détruire ces principes de prévention, ces principes de méfiance, ces principes de mise en garde contre l'hérésie et contre ses partisans. Et il est désolant, et il est affligeant d'entendre ce genre de discours de certaines personnes qui se réclament de la salafie. Et qui prétendent soutenir la salafie, et qui prétendent soutenir la cause des ulama et des cheikhs de la salafie, et qui brandissent volontiers les noms de ces derniers, mais qui en réalité agissent d'une manière contraire à la voie qu'ils suivent et à la méthodologie, et à la méthodologie qu'ils prônent. Le cheikh de continue en disant, la méthodologie de la compensation, c'est ce qu'on appelle le procédé del muazanat, qui fut inventé par les innovateurs pour amoindrir la gravité de leur cas. Il consiste à citer les bonnes actions du transgresseur à la sunna lorsqu'une réplique lui est adressée, en prétendant que c'est là la justice et l'équité. Ces gens-là donc veulent en arriver au fait de dire que lorsque tu répliques un transgresseur à la sunna, na'am, lorsque tu mets en garde contre lui, tu te dois, selon eux, en plus de citer ses erreurs, tu te dois, selon eux, de citer également ses bons côtés. C'est ce qu'on appelle manhaj al-muazanat, la méthodologie de la compensation. Et c'est là quelque chose qui n'est pas conforme à la voix de nos pieux prédécesseurs et à leur méthodologie. Ibn Rajab a dit dans Sharh Ilal al-Tirmidhi, Ibn Abi Dunya a dit, Abu Salih al-Marwazi nous a informé qu'il a entendu Rafi ibn Ashras dire, jadis on disait, fait partie de la punition du menteur que ses instants de véracité ne soient pas pris en compte. Quant à moi je dis, fait partie de la punition du pervers innovateur, c'est-à-dire hérétique, que ses bons côtés ne soient pas cités. Donc cette méthodologie-là n'est pas conforme à la voix de nos pieux prédécesseurs. D'ailleurs, vous pouvez retourner au livre intitulé Manhaj Ahl Sunnah fi naqdi al-kutubi wal-rijali wal-tawa'if du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui a démonté cette méthodologie et ce procédé innové et hérétique, et a démontré sa nullité de manière rationnelle. C'est quelque chose également qui ne tient pas la route. Admettons que tu vois ton enfant se diriger vers du feu et tu as peur qu'il se brûle. Tu vas t'empresser de lui dire fais attention, tu vas te brûler, c'est dangereux. Mais tu ne vas pas commencer à lui dire fais attention, tu risques de te brûler, c'est dangereux, mais n'oublie pas quand même que le feu, c'est ce qui te permet de griller ta viande lorsque tu veux te faire un sandwich, na'am, et qui te permet de réchauffer ta maison lorsque tu as froid pendant l'hiver. Pourquoi? Car le but ici, c'est quoi? C'est de le mettre en garde et de le prévenir. Également donc le shir de continuer, bien sûr tout ça c'est une parenthèse, le shir de continuer en disant, parmi en énumérant toujours donc ces procédés-là, considérer les paroles à portée globale des gens de l'égarement selon leurs paroles détaillées, bien qu'en réalité ces dernières les condamnent avant même de considérer leurs paroles à portée globale. Ce qui est voulu ici par les paroles détaillées, c'est ce qu'on appelle donc Haml al-Mujmal ala al-Mufassal. Ce qu'on vise ici par les paroles détaillées, al-Mufassal, c'est la situation générale de celui qui est l'auteur de paroles à portée globale. Ce procédé a été inventé par Abdullah Azam, qui cherchait à défendre Sayyid Qutb lorsque le Cheikh Al-Albani affirma que Sayyid Qutb prônait la croyance mécréante de l'unité de l'existence. De l'unité de l'existence, prétendant donc que créateur et créature ne font qu'un. Par ce procédé, il écartait les critiques fondées dirigées vers Sayyid Qutb concernant des paroles d'égarement évident, en prétextant qu'il a tenu d'autres propos valables dans la même question. Donc ce procédé-là, il consiste lorsqu'une personne profère une parole mauvaise, contraire aux enseignements du livre et de la sunna, ce procédé-là, حمل المجمل على المفصل, le fait de considérer les paroles à portée globale des gens de l'égarement selon leurs paroles détaillées, ça consiste donc à chercher à prendre en considération d'autres paroles concernant le même sujet qui auraient été prononcées donc dans d'autres contextes, et à comprendre la parole qui est selon eux globale, alors qu'en réalité, bien souvent, comme m'a dit le Cheikh, bien souvent ces paroles-là sont nulles et non avenues, elles sont inventées de toutes pièces, mais selon eux, donc ces paroles-là, tu devrais les considérer à la lumière des paroles qui selon eux sont détaillées. Et à ce moment-là, donc, tu devrais repousser ce genre d'accusation-là, et tu devrais considérer que telle personne, en réalité, est exempte de tout reproche. Et là encore, malheureusement, il est désolant de se rendre compte que des gens qui se réclament de la sunna, na'am, voire de l'enseignement, en arrivent à avoir recours ou à soutenir ce genre de procédé pour se défendre ou pour défendre de tierces personnes. Le Cheikh, de continuer en disant, et d'autres choses encore que les gens de la sunna ont condamné et dont ils ont démontré l'inexactitude et le faux. Puis donc le Cheikh est revenu à ses différentes positions soutenues par ce genre de personnes, après avoir donc énuméré ces quelques règles-là, en disant, dans leur détournement de la vérité et leur obstination dans l'égarement, ils ont instauré la règle, ça ne m'engage en rien. Deuxièmement, la règle, ça ne me convainc pas. Ces deux règles-là, ça ne m'engage en rien, et ça ne me convainc pas, sont deux règles utilisées par les gens du faux afin de contrer la vérité et ce qui se présente avec, après que les preuves leur eût été montrées. Tu échanges avec une personne, tu lui exposes de manière claire le cas d'un tel ou d'un tel, en lui disant, un tel a proféré telle parole, et en lui montrant et en lui prouvant que c'est là quelque chose d'avéré, d'établi, ce ne sont pas juste des rumeurs, c'est quelque chose d'établi. Tu lui dis, cela s'oppose au principe de la religion à tel, tel et tel niveau, et ainsi de suite. Et tu lui montres tout cela de manière claire, et la personne te répond, ça ne m'engage à rien. Ton argumentation, les preuves que tu rapportes ne m'engagent en rien. C'est une manière simple, en apparence, de se dédouaner. Alors qu'en réalité, lorsque l'argumentation est en phase, est en accord avec principes de la religion, à ce moment-là, il incombe obligatoirement de s'y référer, étant donné que cela revient à adopter la position de vérité. De même pour ceux qui disent, ça ne me convainc pas, ça ne m'engage en rien, dans le sens où ton argumentation ne m'engage en rien. Ce n'est pas parce que tu as dit telle et telle chose que pour ma part il m'incombe de prendre telle ou telle position face à telle ou telle personne ou tel groupe. Ça ne me convainc pas. Est-ce que c'est une condition que tu sois convaincu? Si la vérité t'est présentée de manière claire, la vérité, elle n'est pas, elle ne t'attend pas pour être vérité, que tu sois convaincu ou pas. Et lorsqu'on argumente pour t'expliquer, on n'attend pas de toi ta conviction pour pouvoir soutenir ce que nous soutenons. Également, la guerre à la règle de base concernant la critique détaillée. La critique détaillée, donc, c'est ce qu'on appelle al-darh al-mufassar. qui consiste donc cette règle-là à ce que la critique détaillée des gens de science prévale sur l'éloge général qui peut être faite par d'autres gens de science. Et il est connu donc que la critique détaillée, qu'est-ce qu'on vise par la critique détaillée? On vise par la critique détaillée la critique dont la cause l'ayant motivée est citée. Et cette critique-là prévaut sur l'éloge. Non. Et tu trouveras que les gens du faux cherchent à amoindrir, voire à annihiler cette règle qui est pourtant connue et établie chez les ulama du hadith, chez les adeptes de la sunna. Également le rejet des informations rapportées par des personnes dignes de confiance. Le rejet des informations rapportées par des personnes dignes de confiance. Or, il est une règle qui dit que khabar thiqa maqbul. L'information qui te vient d'une personne digne de confiance doit être acceptée. Bien sûr, cela nous mène à chercher à reconnaître qui est digne de confiance, de qui ne l'est pas. C'est là notre sujet qui est lié, mais qui est tout aussi important. Mais il faut savoir et retenir que khabar thiqati maqbul. L'information te provenant d'une personne digne de confiance, dans le sens où elle est intègre, et qu'elle a une mémorisation correcte, lui permettant, par permission d'Allah, Azza wa Jal, de restituer de manière fidèle les propos qu'elle entend, les informations de cette personne-là sont acceptées. Contrairement aux personnes qui te disent que tu te dois impérativement de vérifier, y compris les paroles qui te viennent de quelqu'un qui est digne de confiance. Allah Azza wa Jal a dit, wa in ja'akum, ya ayyuha alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, an tusibu qawman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh vous qui avez la foi, si un pervers vous vient avec une information, alors, cherchez à la vérifier, afin de ne pas causer des torts à des gens par ignorance, et afin de ne pas devenir ainsi du nombre de ceux qui ont des regrets. On comprend de ce hadith-là, de ce verset-là, de la parole d'Allah Azza wa Jal en question, que on se doit de vérifier les informations de la personne qui est perverse. On se doit également de vérifier de la personne que l'on ne connaît pas. Par contre, on déduit de ce hadith, de ce verset, excusez-moi, que l'information de celui qui intègre djinn de confiance, na'am, et qui a une mémorisation correcte lui permettant de restituer de manière fidèle les propos qu'il entend, on comprend que l'information venant de ce type de personne est acceptée. Également, parmi les règles, le fait de considérer que l'unanimité est une condition pour rendre innovateur n'importe quel innovateur, bien que les preuves nécessaires pour le déclarer innovateur eussent été apportées. Ils ont instauré cette condition sans considérer le statut des personnes qui l'ont rendu innovateur, bien que ceux-ci eurent atteint un nombre conséquent. Ainsi, lorsqu'un seul parmi les gens, suivant leur passion, contredit ce jugement rendant telle personne innovatrice, celui-ci s'annule. Là encore, tu prouves à une personne par A plus B, en citant les paroles et jugements des ulama spécialisés, que telle ou telle personne est tombée dans l'innovation, s'est égarée, a dévié de la voie de la sunna, et est devenu hérétique, et on te dit oui mais le cheikh Antal a dit du bien de lui. Parfois ça en arrive même au fait que des livres et des volumes entiers aient été composés pour réfuter et pour mettre en garde contre un individu en citant les propos qu'il tient dans ses cours et qui sont enregistrés, en citant les discours qu'il soutient dans ses livres et qui sont écrits, avec éventuellement des témoignages rapportés de personnes dignes de confiance, avec les preuves du fait que telle et telle parole sont erronées et relèvent de l'hérésie, et à la fin, lorsque tu exposes tout cela, on te dit « Oui, mais Cheikh Untel a dit du bien de lui, alors que le Cheikh Untel, il a dit du bien de lui de manière générale, comme ça, et que bien souvent on se rend compte qu'il a dit du bien de lui, et qu'il apparaît qu'en réalité, il n'est pas au courant des détails concernant l'état de la situation de la personne en question. En réalité, donc, ces gens-là soutiennent, de manière directe parfois, et souvent indirecte, que l'unanimité est une condition. Or, ce n'est pas le cas. Dans leur détournement de la vérité et leur obstination dans l'égarement, ils ont instauré donc les règles que nous avons vues. Et parmi ces règles-là, une règle pour insulter les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. La plus ignoble des sortes d'insultes, ils ont ainsi insulté d'être de l'écume, Ruthaïya. Une certaine personne parmi eux en arrivait à ce stade-là. De qualifier les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam de Ruthaïya, d'écume. Et quand on leur a réclamé des excuses, ils ont dit, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte, et ils ont dit, écoutez bien, ici donc là, comment ces gens peuvent en arriver à jouer avec les autres. Lorsque cette expression émane d'un sunnite, ce n'est pas une insulte, ont-ils dit. Et si elle émane d'un chiite, alors ça devient une insulte. Et ils affirment ceci donc depuis l'an 1424, et ce jusqu'à ce jour. Donc, une parole qui en soi est une insulte, si elle est dite par une personne sunnite, selon eux, alors c'est pas une insulte, mais la même parole, si elle est dite par quelqu'un d'égaré chiite, en l'occurrence, c'est une insulte. Et c'est là une manière de jouer avec les gens, de soutenir le faux, de soutenir ses partisans et de s'entêter dans le faux et l'égarement. Ces règles sont devenues une source de troubles, tels des parsèbes de nuit obscure. Orgueil, entêtement et dispute à l'encontre de ceux qui les conseillent et montrent leur égarement accompagnent toutes ces calamités. Malgré ces désastres et ces calamités, et d'autres encore, on trouve des gens pour faire leurs éloges et pour les compter parmi les gens de la sunna. Voici à présent un ensemble de hadiths prophétiques que je rappellerai à ces personnes afin qu'elles se souviennent et s'éloignent de leur position. D'après Qais ibn Abi Hazim, Abu Bakr, radiyallahu anhu, s'est levé, a loué Allah et l'a mentionné en bien, puis a dit, « Ô gens, vous récitez ce verset, « Ya ayyuhal ladhina amanu, alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha htadaytum. » Surat al-Ma'idah, verset 105. « Ô vous, les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. » Donc Abu Bakr a dit, « Vous récitez ce verset et vous ne le comprenez pas comme il se doit. » J'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire, lorsque les gens voient le blâmable et ne le changent point, peu s'en faut que le châtiment d'Allah ne les atteigne tous. Ce hadith est authentique. Il a été rapporté par l'imam Ahmed dans Al-Musnad, Abu Daoud dans Al-Sunan, par Ibn Majah dans Al-Sunan également, et d'autres imams qui l'ont également rapporté et recueilli. Deuxième hadith, d'après Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui dont mon âme est dans sa main, vous ordonnerez le convenable et interdirez le blâmable. Sinon, peu s'en faut qu'Allah vous envoie un de ses châtiments, puis vous l'implorerez alors, mais il ne vous exaucera point. Sois attentif à ce genre de texte, barakallahu fik. Ce n'est pas tous les jours qu'on les entend. C'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi dans le chapitre Al-Fitan. Et il a dit que c'est un hadith, la transmission est bonne, qu'il y a un hadith bon, dans le sens où sa transmission est bonne. Mais il y a une faiblesse dans sa chaîne de transmission. Il a également été recueilli par l'imam Ahmed dans le Musnad. En outre, si Tirmidhi a considéré ce hadith fiable, c'est qu'il bénéficie de deux témoins. C'est-à-dire ce hadith bénéficie de deux versions qui témoignent du fait qu'il est établi. L'un des deux témoins est le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad. Selon un sens proche de celui-ci, dans sa chaîne de transmission figure une faiblesse. Quant au deuxième, d'après le hadith d'Abu Huraira, il est rapporté par Al-Bazzar dans Al-Musnad et par Al-Khatib dans Al-Tariq. De par l'ensemble de ces chaînes de transmission, ce hadith est élevé au rang de fiable par l'intermédiaire d'un autre. D'ailleurs, le grand savant Al-Albani a considéré ce hadith fiable dans Al-Jami' Al-Sahih. Pour le retrouver sous le numéro 6947. Troisièmement, d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il n'est pas un prophète qu'Allah ait envoyé à un peuple avant moi, sans qu'il ne compte dans sa communauté des compagnons qui suivent son enseignement et qui exécutent ses ordres. Leur succédèrent ensuite des personnes qui dirent ce qu'ils ne faisaient pas et qui agirent non conformément aux ordres de leur prophète. Celui qui lutte contre eux avec sa main est un croyant. Celui qui a lutté contre eux avec sa langue est également un croyant. Et celui qui a lutté contre eux avec son cœur est également un croyant. En dehors de ceci, ne subsiste plus ne serait-ce qu'un grain de moutarde de foi. Rapporté par Muslim, Na'am, ainsi que par Abu Awana et Ibn Manda dans Al-Iman. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a montré la dangerosité des actes interdits, tels que les innovations et les péchés. Leur dangerosité et leurs fâcheuses conséquences ne se limitent pas à ceux qui les accomplissent, mais ils touchent aussi celui qui se montre prévenant, c'est-à-dire de personne qui se montre transigeante envers ces gens-là. Na'am. Dans le sens où cette personne-là va au-devant des désirs d'autrui en cherchant à les satisfaire. Et le sens visé ici par ce terme-là, le terme al-mudahin, personne qui est prévenante de manière abusive ou qui est transigeante, va être abordé un peu plus loin. Donc la dangerosité, les fâcheuses conséquences de ce genre d'agissement ne touchent pas uniquement ceux qui s'en rendent coupables. Et se montre transigeant vis-à-vis des gens du faux et cherche à embellir leurs images. Il touche également celui qui apporte son soutien à ces innovations et à plus forte raison celui qui prend la défense de ces personnes. Son cas s'aggrave lorsqu'il en vient à combattre les personnes qui dénoncent ces innovations et qui, eux, figurent parmi les gens de la vérité, ceux qui combattent les gens de l'égarement et des dissensions, qui s'attachent à préserver les limites fixées par Allah. D'après An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'image de ceux qui se montrent prévenants, donc transigeants, envers ou vis-à-vis des interdits d'Allah, et de ceux qui les transgressent, est celle d'un groupe de gens qui a tiré au sort pour donner à chacun d'eux sa place sur une embarcation. À certains revint le pont, et à d'autres la cale. Ceux qui logeaient en cale étaient obligés de passer par le pont pour puiser l'eau. Gênant par là ceux qui y logeaient, ils prirent alors une hache et se mirent à perforer le fond de l'embarcation. Ceux qui logeaient sur le pont descendirent alors en cale et dirent « Mais que faites-vous » et aux autres de répondre « Nous vous dérangeons, mais nous avons absolument besoin d'avoir accès à l'eau. » S'ils les empêchent de réaliser leur dessein, c'est-à-dire leur objectif, c'est le salut pour tous. Et s'ils les laissent le réaliser, alors c'est leur perte à tous. Rapporté par Al-Bukhari, dans son authentique, ainsi que par l'imam Ahmed, Al-Musnad, ainsi que par Al-Tirmidhi, Na'am, et par Ibn Hibban. Et voici la version de ce hadith rapportée par l'imam Ahmed et par Tirmidhi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'image de ceux qui transgressent les interdits d'Allah et de ceux qui se montrent prévenants, c'est-à-dire intransigeants, envers ou vis-à-vis d'eux, est celle d'un groupe de gens qui a tiré au sort pour donner à chacun d'eux sa place sur une embarcation se trouvant en mer. À certains revint le pont, et à d'autres la cale. Ceux qui logeaient en cale étaient obligés de monter sur le pont pour puiser l'eau, gênant par là ceux qui y logeaient, c'est-à-dire ceux qui logeaient sur le pont. Ceux qui avaient besoin d'eau, qui étaient dans la cale, à cause du tirage au sort, pour prendre l'eau, ils avaient besoin donc de monter sur le pont et donc de gêner ceux qui logeaient sur le pont et qui avaient donc hérité du pont suite au tirage au sort. Donc à certains revint le pont et à d'autres la cale. Ceux qui logeaient en cale étaient obligés de monter sur le pont pour puiser l'eau, gênant par là ceux qui y logeaient. Ceux-ci leur dirent alors, nous ne vous laissons plus monter chez nous, car vous nous dérangez. À eux de dire enfin, nous percerons donc un trou en son fond afin de puiser l'eau. S'ils les empêchent de réaliser leur dessein, c'est leur salut à tous, et s'ils les laissent le réaliser, alors ils se noieront tous. Le prévenant, dans ce hadith, la personne qui est transigeante, est celle qui voit et entend des actes blâmables tels que les innovations ou autres, et ne les réprimande pas. Pire, se montre prévenant envers les auteurs de ces actes et envers ceux qui prennent parti pour ces actes-là, et ne néglige rien, barakallahu fik. Ne néglige rien, barakallahu fik, car, bien souvent, ça commence par le fait de flancher, par le fait de faiblir. Et lorsque certaines dérogation à la voix du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont infimes, apparaissent devant toi, tu commences à ne plus les blâmer. Et ensuite, tu continues, et les choses sont de plus en plus graves, et toi tu continues à ne pas les blâmer, jusqu'à en arriver, qu'Allah nous en protège, avoir parfois le polythéisme devant tes yeux, et à ne rien faire, et à ne rien dire. Et j'ai eu l'occasion de constater ce genre de choses-là. Des personnes qui se réclament de la sunna et qui voient devant eux du polythéisme majeur être accompli, être commis, être perpétré, et qui ne disent rien en remettant cela aux autres, en déléguant cela aux autres, uniquement pour se dédouaner et se décharger, qu'Allah nous en protège. Et comme le disait un cheikh, qu'Allah le protège, il disait, faisons vivre nos cœurs en condamnant le blâmable et en le réprouvant et en conseillant les gens qui le commettent pour leur montrer le caractère erroné et blâmable des choses qu'ils font. Naam. Donc la personne qui est transigeante, prévenante, celle qui voit et entend des actes blâmables tels que les innovations ou autres et ne les réprimande pas, pire, se montre prévenante et transigeante envers les auteurs de ces actes et envers ceux qui prennent parti pour ces actes. Qu'en est-il alors si cela l'amène à prendre la défense de ces gens, à embellir leurs images et à les faire passer pour des gens de la sunna? Tu en arrives à une époque où tu vois des choses surprenantes à en donner des cheveux blancs, comme l'a dit le cheikh au début de son article. Des gens qui sont présentés comme étant des adeptes de la sunna, lorsque tu tends ne serait-ce qu'un peu l'oreille pour prendre connaissance du discours que ces gens-là tiennent, tu te rends compte qu'ils sont bien loin de la sunna et ils sont présentés comme étant de ces adeptes et fidèles. Qu'en est-il de lui lorsque tout cela le mène à s'en prendre à ceux qui interdisent ces actes blâmables et qui fait croire aux gens qu'ils ne sont pas dans le vrai, mais plutôt qu'ils sont sur une mauvaise voie? Ce sont de telles positions qui encouragent les auteurs de ces actes blâmables à persévérer dans leur égarement et incitent les faibles d'esprit à avoir une opinion d'eux, une bonne opinion d'eux, et les poussent à se jeter dans leurs bras et à leur apporter leur soutien. Tout ceci a détourné beaucoup de gens de la voie des pieux prédécesseurs dans beaucoup de pays. Que ces personnes craignent Allah, qu'ils revoient leur position avec sérieux et sincérité, qu'ils prennent conscience des fâcheuses conséquences de leurs attitudes, qu'ils prennent conscience qu'ils devront rendre des comptes devant Allah le jour où aucune âme ne sera d'utilité à une autre, qu'ils se livrent à leur propre introspection de manière sérieuse, car la situation est grave. Je leur rappelle la parole d'Allah, « Al-akhillaa yawma'idhin ba'duhum li ba'din adou illa al-muttaqin » Les amis intimes ce jour-là seront les ennemis les uns des autres, excepté les pieux, surat Zukhruf, verset numéro 67. Et je leur rappelle la parole d'Allah, « Ya ayyuhal ladhina amanu, kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi wa law ala anfusikum, awil walidayni wal aqrabin » Surat An-Nisa, verset numéro 135. « Oh les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères, ou proches parents. » Voilà ce qu'Allah Azza wa Jalla nous ordonne, na'am, d'observer strictement la vérité et d'être des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, même si ça doit être contre ta propre personne. Tu t'es trompé, tu as fait un faux pas, tu as dévié, tu t'es rendu compte de cela, on te l'a exposé. Soutiens la vérité, même si c'est en apparence contre ta propre personne, sache qu'en réalité ce sera tout à ton honneur auprès d'Allah Azza wa Jal, s'il le permet. Puis, auprès des gens qui verront en toi une personne véridique, qui ne cherche pas à défendre sa personne, mais qui cherche à défendre la vérité. Et les seules paroles ne suffisent pas. La seule théorie ne suffit pas. Les seules prétentions ne suffisent pas. Il faut des faits. Il faut des paroles, des positions, des agissements qui viennent confirmer la véracité des propos et des prétentions. Sinon, la personne ne fait que prétendre. Il faut donc se conformer à ce genre de directive venant d'Allah Azzawajal, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères, ou proches parents, lorsque ce grand imam parmi les anciens de cette communauté, Yahya ibn Ma'in, si ma mémoire ne me fait pas défaut, est questionné à propos de son père et de sa valeur dans la transmission du hadith, et que Yahya ibn Ma'in, du fait de sa piété, na'am, et du fait du profond respect qu'il éprouvait pour son père, baisse la tête et dit au questionneur d'aller poser la question à quelqu'un d'autre, et que le questionneur lui repose la question, et qu'il lève la tête et qu'il fait prévaloir le secours de la vérité sur le profond respect qu'il éprouvait pour son père, et qu'il répond « Al-walidu da'if ». Mon père est faible, c'est-à-dire dans la transmission du hadith. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. Est-ce que ça a fait de lui quelqu'un qui n'est pas bon avec son père, qui n'est pas bienfaisant vis-à-vis de lui? Au contraire, il est plus bienfaisant que celui qui aurait dit par mensonge et tromperie que son père est quelqu'un de fiable alors qu'il ne l'est pas. Et il n'y a pas de doute que ce genre d'imam, à côté de cela, s'acquittait de ses devoirs vis-à-vis de ses parents, respecter son père, était à son service sans aucune hésitation, nous affirmons cela. Mais ici, il s'agissait de religion et d'établir la justice et la vérité. Et les exemples dans ce sens-là sont nombreux et ils sont même indénombrables. Le cheikh de continuer en disant, et je leur rappelle la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la religion c'est la loyauté, la religion c'est la loyauté, à trois reprises. Les compagnons dirent alors envers qui? Il répondit envers Allah, son livre, son prophète, les dirigeants des musulmans et leur masse. Et je leur rappelle la parole rapportée par l'éminent compagnon Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiyallahu an, il a dit Ziyad ibn Ilaqa a dit, j'ai entendu Jarir ibn Abdullah, excusez-moi, je vous ai dit que c'est Jarir qui a rapporté cela, en vérité c'est Ziyad qui rapporte cela, et qui dit avoir entendu Jarir ibn Abdullah se mettre à sermonner les gens le jour de la mort d'Al-Mughira ibn Shu'ba. Et il leur a dit, craignez Allah, faites preuve de calme et de retenue jusqu'à ce que soit désigné un nouveau gouverneur. Car certes, il y aura maintenant un nouveau gouverneur. Il dit ensuite, demandez à Allah l'intercession pour votre gouverneur, car il aimait le pardon. Il dit également, je suis allé vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai dit, je te fais allégeance dans l'islam. Il m'imposa alors comme condition d'être loyal envers tout musulman. Et je lui ai fait allégeance en cela par le Seigneur détenteur de cette mosquée. Certes, je suis pour vous un conseiller loyal. Ensuite, il implora Allah de lui pardonner, puis il descendit. Rapporté par Al-Bukhari dans As-Sahih, dans son authentique. Dans le chapitre de la foi, dans le sous-chapitre, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, la religion c'est la loyauté envers Allah, son livre, son prophète, les dirigeants des musulmans et leur masse. Et sa parole, وَإِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, lorsqu'ils feront preuve de loyauté envers Allah et son messager. Et cela a également été rapporté par l'imam Ahmed. Il a également été rapporté de manière succincte par Al-Bukhari, na'am, ainsi que par Muslim. Le Cheikh Rabi'a de continuer en disant, je rappelle à ces personnes, à travers les enseignements tirés de ces hadiths et de ces versets, leur obligation de faire preuve de loyauté envers Allah, son livre et son prophète, et de conseiller les dirigeants des musulmans ainsi que leur masse, et je leur rappelle leur obligation de réprimer le blâmable, et la terrible menace qui pèse sur ceux qui ne s'acquittent pas de cette obligation, et qui ne répriment pas le blâmable. Et je leur dis, comme a dit Jarir, radiyallahu an, par le Seigneur détenteur de cette mosquée, certes je suis pour vous un conseiller loyal, je dirais même plus, par le Seigneur des cieux et de la terre, certes je suis pour vous un conseiller loyal, et je leur rappelle la parole d'Anas, radiyallahu an, vous pratiquez des actes qui paraissent insignifiants à vos yeux, mais qui à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam étaient comptés parmi les grands péchés, rapportés par Al-Bukhari, de même que par Ahmed et Abu Ya'la dans leurs musnad respectifs. Et je leur conseille également d'étudier la méthodologie des pieux prédécesseurs à sa source, de s'y conformer, de l'appliquer sur eux-mêmes, mais aussi sur autrui. J'invoque Allah pour qu'il leur montre ce qu'ils ont ignoré, qu'il leur montre les fautes qu'ils ont faites par erreur, ou bien celles qu'ils ont sciemment commises. Et ça a donc été écrit par le noble cheikh Rabi' ibn Hadi al-Matrani, le 9 du mois de Safar de l'an 1432 de l'Égypte. Et c'est ainsi que se termine cette tentative de traduction. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.